lever et rien ne sera plus pareil. La terre vient de se tourner et la lune de se faire la belle. Mon amour, ma tendre et chère, j'en ai rêvé toute la nuit. Depuis, mon cœur s'accélère et peu à peu se détruit. Mais toi, tu m'as laissé là, tout seul, orphelin de toi. Et même sans être là, mes pensées sont pleines de toi. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, Laetitia. Je sors enfin de ma chambre et rien ne sera plus pareil. De janvier à décembre, chaque jour une autre bouteille. Je vais prendre l'air sur le balcon pour me rappeler mon rock'n'roll. Puis pour chasser mon bourdon, je saute et je m'envole. Toi, tu m'as laissé là, tout seul, orphelin de toi. Et même sans être là, mes pensées sont pleines de toi. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, Laetitia. Tu m'as laissé là.